suis dans les parages. Regardes-tu le paysage? Il y a trop de nuages ce soir. Mais pourquoi voyons-nous du noir? Mais que fais-tu dans les parages? Regardes-tu le paysage? Il y a trop de nuages ce soir. Mais pourquoi voyons-nous du noir? Bienvenue mon enfant dans ce monde dégueulasse. Les belles femmes se rasent la chatte à coups de slash. Si c'est ta mère, ben elle prend de la coque. Et ce qui est horrible, c'est que c'est pour ça que t'as mal aux côtes. Dans la rue des mecs en costard, t'en le pousse. Tandis que d'autres appellent avec leur workman pour taper un gosse. C'est pas devant un flic que t'auras la frousse, mais devant un miroir en examinant tes erreurs et tes bosses. J'aurais bien aimé continuer, mais j'ai arrêté en voyant comment s'en transformer les femmes que j'ai. Mais ne cherche pas les branches qui cassent dans l'arbre, il est en plastique. Ne fume pas ton shit, mec, il est en pneu. Des tic-tac, au tac, au tas, au toc, à l'asile psychiatrique. Ne tends pas ta langue, il est radioactif, l'acide qui pleut. Que fais-tu dans les parages? Regardes-tu le paysage? Il y a trop de nuages ce soir. Pourquoi voyons-nous du noir? Mais que fais-tu dans les parages? Regardes-tu le paysage? Il y a trop de nuages ce soir. Mais pourquoi voyons-nous du noir? On croit souvent par ici des informateurs. Je regarde, repère et en coince un dealer. On croit souvent par là des patriotiques. Attention, t'es sur son territoire s'ils veulent te niquer. On croit souvent à cet endroit des kékés. La biatch, j'ai fait boire et je mets un coup de kékette. On croit souvent aux alentours des gros bof. Ne regarde pas les becs, mon fils, ils boivent de la Smirnoff. On est tranquille, on s'amuse, nous on enquille. On tripe, on gobe des tripes, on s'inspire, on se balade. Quel intérêt nous mépriser, espèce de malade. Attention, ne monte pas dans l'arbre, sinon ça part en marave. On s'en fout, tout te vient, nous même qui tu es. Viens, y'a un pète, et si tu veux, on te fait tourner. Et si tu ne veux pas, il restera toujours un peu de vodka. Non, sérieux, viens avec moi, l'essentiel, c'est qu'on rigolera. Que fais-tu dans les parages? Regardes-tu le paysage? Y'a trop de nuages ce soir. Mais pourquoi voyons-nous du noir? Ils ont volé notre monde. Ils ont volé notre drogue. Ils ont volé tous nos codes. Ils ont dérobé notre garde-robe. Ils ont volé toutes nos enfuis. Ils ont volé toute notre vie. Ils sont partis avec tout ce qu'il y avait ici. Leur emmener dans leur boîte de nuit à Paris. Mais que fais-tu dans les parages? Regardes-tu le paysage? Il y a trop de nuages ce soir. Mais pourquoi voyons-nous du noir? De la France, français, de la pince, pensée. De la manipulation, drogue, femme, pensée. De toute façon, c'est que tout est manigancé. Les manis, les mamies, les miss, les maris dansent. Les nuits, les mille et une mille pour les mariages arrangés. Aujourd'hui, la rupture est en avance. Demain, les relations sûrement bien avancées. Que mon fut reste crade, que l'absinthe me casse le crâne. Qu'il le garde son sein grave, s'il l'exhibe plutôt qu'il le crame. Que la bave coupe parmi les crapauds, qu'on n'hisse plus jamais les drapeaux. Pas de cadeau pour les cadeaux, pas de valeur pour tout et en zéro. Parce que l'homme a évolué, il n'a plus de cœur. Parce que leur putain de valeur, eh ben elle pue le malheur. Parce que chaque jour en chauffant mon café instantané, je me dis pour l'instant l'océan n'est pas né. Que le flux reste crade, que l'absinthe me casse le crâne. Qu'il le garde son saint graal et s'il existe plutôt qu'il le crame. Mais que fais-tu dans les parages? Regardes-tu le paysage? Il y a trop de nuages ce soir. Mais pourquoi voyons-nous du noir? Mais que fais-tu dans les parages? Regardes-tu le paysage? Y'a trop de nuages ce soir. Mais pourquoi voyons-nous du noir? On a beau courir dans les rues comme des enfants, on sait tous que la terre est perchée, on reste conscient. On bat sur nos vies de rêve, on rêve de rave. On kiffera la musique même si le poste est pourrave. On partira en poste comme une lettre à la poste. On nous accoste sur la côte, après on cause. Mais que fais-tu